Vous plairait-il d'être ambassadeur ou ambassadrice? Curieuse proposition, direz-vous, et d'autant plus inhabituelle qu'une telle situation ne se trouve pas dans les fichiers de l'Agence nationale pour l'emploi, ni dans les annonces des journaux. Et pourtant, c'est la proposition que le Seigneur fait à tous les chrétiens, selon la définition biblique du terme, remplir les fonctions d'ambassadeur de Jésus-Christ. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un ambassadeur? L'un de nos dictionnaires en donne la définition suivante. Représentant d'un État à l'étranger, chargé de mission. Représentant d'un État. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 20, l'apôtre saint Paul dit que notre cité à nous, chrétiens, est dans les cieux. Une transcription moderne dit notre patrie. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, le même apôtre précise que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et c'est de cette maison, de cette cité, de cette patrie céleste que nous sommes appelés à être les ambassadeurs. Mais revenons à la définition. Ambassadeur, représentant d'un État à l'étranger. Pour un Français, par exemple, l'étranger, c'est la Suisse ou l'Italie. Pour un Suisse, c'est la France ou l'Angleterre. Mais pour un chrétien, où se trouve l'étranger? En parlant de ses disciples, Jésus disait « Ils sont dans le monde. » Jean chapitre 17, verset 11. Et plus loin, « Ils ne sont pas du monde. » Verset 16. Être dans le monde, mais sans être du monde, c'est cela, être à l'étranger pour un chrétien. Certes, nous vivons dans le monde, mais nous devons rester étrangers à l'esprit du monde, à sa mentalité, à ses convoitises, à son orgueil, selon les exhortations de l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 2. Et dans ce monde auquel nous sommes liés par notre vie professionnelle et sociale, nous sommes appelés à remplir les fonctions d'ambassadeurs de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, lui, précise que nous sommes non seulement étrangers, mais aussi voyageurs sur la terre. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Alors, amis chrétiens, posons-nous la question. Dans ce monde, nous sentons-nous vraiment comme à l'étranger, ou au contraire, nous sentons-nous bien chez nous? Si tel était le cas, il serait temps de nous remettre en question. Nos camarades d'études, nos collègues de travail, par exemple, nous connaissent-ils comme ambassadeurs de Christ ou avons-nous peur de nous compromettre? Le courage, la détermination sont pourtant des qualités que l'on attend d'un ambassadeur. Si nous tenons notre rang de chrétiens, si nous allons jusqu'au bout de nos convictions, nous rencontrerons peut-être l'ironie de la part de certains, mais d'autres nous respecteront et même nous apprécierons. Comme ambassadeurs de Jésus-Christ, nous sommes chargés, et c'est encore l'apôtre Pierre qui le précise, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Je suis la résurrection, je suis le bon berger, je suis le pain vivant descendu du ciel. Autant de vertus que nous vous annonçons aujourd'hui, à vous qui ne les connaissez pas encore. Si donc vous vous sentez seul, faible et désemparé, si vous avez l'impression que le chemin que vous suivez vous conduit à l'abîme, si vous êtes dégoûté du mensonge et de l'hypocrisie, si vous avez peur de la mort, si vous êtes assailli par des pensées morbides, voire suicidaires, et si votre âme est affamée de justice et de vérité, alors tournez-vous résolument vers Jésus-Christ. Si vous êtes accablé de soucis, écoutez celui qui vous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Si vous êtes préoccupé par le commencement et la fin de toute chose, Jésus vous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Apocalypse chapitre 22, verset 13. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, verset 3. Et si vous êtes angoissés par les sombres nuages qui s'amoncellent à l'horizon, c'est encore vers Jésus-Christ que vous devez vous tourner, car il est l'étoile brillante du matin. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Laissez-le donc éclairer votre avenir. Chers auditeurs, ne pensez-vous pas qu'un tel Dieu, possédant par essence toutes les vertus, puisse vraiment répondre à toutes les aspirations de votre âme et lui apporter le bonheur après lequel elle soupire? L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens: « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Et quelle est cette exhortation? Nous la trouvons dans la suite du verset. « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Quand est-il nécessaire de se réconcilier avec quelqu'un? Quand il y a guerre, séparation, et c'est bien notre cas. Par nature, l'homme est en guerre avec Dieu. À cause de sa nature pécheresse, il est séparé de lui. Il y a 28 siècles, le prophète Ésaïe s'écriait déjà « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. « Mais, direz-vous, je ne suis pas un criminel. » Non, vous n'êtes pas un criminel. Du moins, pas encore. Mais peut-être n'allez-vous pas tarder à le devenir. Si vous refusez de vous réconcilier avec Dieu, vous allez devenir le propre assassin de votre âme. En effet, si vous rejetez la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, vous vous maintenez sous sa condamnation. Péché, condamnation, ce sont des termes que l'on n'aime plus guère entendre aujourd'hui. Certains les trouvent choquants ou périmés, d'autres préfèrent les ignorer, mais il n'en demeure pas moins d'une accablante réalité. Comme l'écrit Wilhelm Busch dans son excellent ouvrage intitulé « Jésus, notre destin », il vous faut choisir. Ou bien c'est vous qui payez pour votre péché en enfer, et c'est dans ce cas que vous devenez le propre assassin de votre âme, ou bien vous venez à Jésus en disant « Seigneur Jésus, je veux accepter le prix que tu as payé pour moi. » Alors, comment pouvons-nous nous réconcilier avec Dieu? La réponse se trouve dans la suite du texte que nous avons cité tout à l'heure. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'est chargé de nos péchés sur la croix du calvaire. Il a reçu à notre place le châtiment que nous méritons, et dès l'instant où nous croyons que cet acte expiatoire a été accompli pour nous, nous sommes réconciliés avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu, c'est cela être chrétien, selon la définition biblique du terme. Comme ambassadeur de Jésus-Christ, voilà le message que nous sommes appelés à transmettre à nos semblables. Si donc vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, nous joignons nos supplications à celles de l'apôtre Paul. Soyez réconciliés avec Dieu en acceptant le médiateur de votre réconciliation, Jésus votre Sauveur, qui a tout accompli pour le salut de votre âme. Puis, pleinement convaincu de ce message que vous aurez accepté pour vous-même, devenez à votre tour des ambassadeurs de Jésus-Christ, des ambassadeurs de la réconciliation.